Ce soir je vous dis tout, profitez-en bien, je suis pas bavard. Petit poisson bas de l'aile, on a taillé dans sa nageoire. Dis-leur qu'on est solide, hein, mais que nos faiblesses et cœur. La musique nous anime, ma MPC, mon pacemaker. On les a vus tourner la page, niquer vos races et vos bouquins. Putain, je trouve pas ma place, ni à l'écart comme un rouquin. T'es ma notre gueule, tout craint, on se tient trop mal, on est pas l'eau. On se plaint gratter du père, pourtant on lit pas les panneaux. Que de l'art de mer dans les parages, passe de l'orage au bar de rire. Dis-moi sur qui compter quand le loup tient la bergerie. Je me libère, j'écris et ne vois plus le temps passer. Manque à l'appel dans un sourire, aussi présent qu'une dent cassée. On a trop de projets, sur un coup de tête, on jette le dos. C'est pour ma famille, je veux l'Eden et pour aider, je me pète le dos. Le taf, mais tu écoutes, je voulais goûter cette escalope. Constamment décalé, mon sommeil s'est pris des calottes. L'écho de ma mère qui radote dans ta chambre, c'est le foutoir. Chaque soir, la même histoire, ça sent bizarre dans le couloir. Le goulot couche tard, Doliprane sur la langue. Quand j'ai appelé mon génie, y'avait de la merde sur la lampe. Parce que ma vision du monde ne se résume qu'à un Velux. Parce que j'ai zappé la seconde et j'ai craché sur cachet luxe. Parce que le poids de mes écrits ne s'appuie plus sur la fumée. Parce qu'un beau jour, faut en découdre, faudra les couilles pour assumer. Eh, hey, regarde, on s'aime pas, destin nous sépare. Pourquoi la chaleur humaine est froide, je ne sais pas. La vie a bonne mémoire, chaque blessure laisse une trace. Entre la rue et l'usine, loin du cash et strass. On est plein comme ça, prends ton smic et basta. T'es bien loin du costard, finis tes pastas. Je vois que le pire est à venir, comme une perte de veuche. C'est haut, mais j'ai lu l'avenir dans une tête de queue. Comme il paraît que c'est mal, j'ai stoppé depuis 2017, les péchés tombent comme des gouttes de pluie. J'ai vu mon père vieillir du fond du canapé. Et quand je me compare, les épaules manquent à l'appel. Dites à ma mère que je l'aime, moi j'ai pas les couilles de le dire. On s'entend pas quand on se parle, on sera là pour le pire. Je prends pas les couilles de fuir, la chute sera la même. Je veux pas recevoir de conseils, m'écris en deux jours par semaine. Sur une tartine de merde, on se bagarre la paradis. Rien ne sert d'avoir une belle valise, y'a pas de bagage au paradis. C'est ce que l'on m'a dit, les anges ne mangent pas de ce plat. Qui pensent détenir la vérité, se fera salir de ce pas. Tout s'efface, c'est fou, me dis pas que l'échec est choquant. Ferme la vitre au feu rouge, un égoïsme suffocant. Ok, c'est fait, ma plume s'endort, un son parmi tant d'autres. Je te laisse dormir, fais de beaux rêves si ton esprit t'en donne.